Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 74e émission, nous vous proposons un numéro spécial Actualité internationale qui concernera notamment, mais pas seulement, les récents événements survenus cette semaine en Syrie, c'est-à-dire le bombardement par l'armée américaine de la base de l'armée syrienne Al-Shayrat, faisant 8 morts. Précisons qu'il s'agit de la première action officielle de l'armée américaine en Syrie en 6 ans de guerre. Pourquoi cette action de la part du gouvernement Trump ? Quelle est sa position dans sa propre administration ? Quelle est la portée géopolitique de ces événements et quelle réalité recouvre-t-il ? C'est ce que nous allons tenter de comprendre aujourd'hui, chers auditeurs, en compagnie d'Alain Soral. Alain Soral, bonjour à vous. Bonjour. Chers auditeurs, nous nous trouvons également accompagnés de Youssef Hindi, écrivain et historien de l'eschatologie messianique, dont le dernier ouvrage, Mystique de la laïcité, est disponible sur contreculture.com. Youssef, bonjour à vous. Bonjour Vincent, bonjour Alain, bonjour Xavier. Chers auditeurs, je me trouve également accompagné de Xavier. Xavier, bonjour à toi. Bonjour à tous. Ce que je vous propose, chers invités, chers auditeurs, c'est que nous resituions bien le contexte de cette guerre en Syrie, une guerre qui dure depuis 6 ans avec de multiples acteurs aux intérêts divergents. Youssef Hindi, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous dresser le tableau en préambule ? Alors, je ne veux pas retracer les 6 années de guerre en Syrie, mais pour comprendre ce qui vient de se passer récemment avec le gazage en Syrie, il faut remonter à août 2013. Il y avait déjà eu un précédent. En août 2013, il y a eu un gazage donc dans la région d'Al-Ghouta, en Syrie. On avait accusé à l'époque, il y avait une énorme propagande internationale menée par les États-Unis pour accuser le régime syrien, disant qu'il avait utilisé des armes interdites. En août-septembre, donc dans la foulée, les navires de guerre américains s'apprêtaient à bombarder la Syrie et ils n'ont été empêchés que par les Russes qui se sont interposés, qui ont envoyé leur navire de guerre. D'ailleurs, même les Chinois avaient envoyé deux navires de guerre. Il y a eu apparemment plusieurs missiles Tomahawk qui ont été envoyés sur le territoire syrien. Ils ont été, je crois, apparemment deux ont été abattus par des S-300 et les deux autres, la technologie russe les aurait fait dévier. Donc, à partir de là, les Américains se sont refroidis. Et donc là récemment, lorsque j'ai vu justement cette histoire de gazage en Syrie, ça m'a immédiatement rappelé l'épisode août-septembre 2013. Et d'ailleurs, on m'avait posé la question, j'ai immédiatement répondu sur Facebook en disant que ça annonçait des frappes. Sauf que ces frappes là qui ont eu lieu sont des frappes plutôt théâtrales. On va peut-être y revenir, mais on a tordu le bras à Donald Trump. L'État profond, les néoconservateurs ont tordu le bras à Donald Trump et pour donner le change, il a bombardé un site militaire quasiment vide en Syrie. Voilà. Et pour revenir sur les gazages, on est face à des procédés médiatiques et de propagande qui font penser à ce qu'on a déjà vu en Irak, dans les Balkans, un nombre incalculable de fois avec les mêmes mots. Les bébés, ça nous rappelle les couveuses koweïtiennes, voilà, oui, hein, d'agiter des bébés, alors que des bébés, en ce moment, il en meurt sur certains théâtres où sont actifs les alliés américains, hein, notamment les Saoudiens. En ce moment, oui. J'ai quand même entendu notamment un journaliste français permanent à Washington nous dire que Trump en fait avait basculé et changé de politique à la vue des bébés morts. Essayer de nous faire croire ça, c'est quand même vraiment nous prendre pour des abrutis. Il est évident qu'à ce niveau-là de politique, si effectivement Trump a changé de politique, parce qu'il a changé de politique du tout au tout, ça c'est quand même le constat incroyable, il est à 180 degrés, c'est pas parce qu'il a vu des bébés morts, hein. Des bébés morts, il y en a partout. On rappellera à nos auditeurs qu'on a vu l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies présenter les photos des enfants supposément morts par gazage. Alors, il y a une chose que j'ai oublié de préciser, c'est que cet événement, je l'ai annoncé dans un entretien vidéo avec Christian Brosio fin novembre. Je disais qu'il y aurait probablement un false flag sous la présidence de Trump, et ce sont mes mots, j'ai bien dit, qui feront prendre un virage à 180 degrés à Donald Trump sur la politique internationale. C'est pas parce que je suis devin, mais j'ai simplement rappelé les constantes géopolitiques de l'histoire américaine. Il faut préciser que le peuple américain, historiquement, de par la guerre d'indépendance, séparation de la couronne, séparation de l'Europe, est profondément isolationniste. Et depuis la Première Guerre mondiale, depuis la présidence de Woodrow Wilson, il y a eu systématiquement à la fois des casus belli et des pressions de l'État profond américain. On se souvient du président de la Cour suprême Brandeis, qui était un juif, le rabbin Stephen Wise, à l'époque de Wilson, qui ont fait pression sur Woodrow Wilson après le fameux casus belli, le télégramme Zimmerman, pour le contraindre à rentrer dans la Première Guerre mondiale. Et donc j'annonçais que, conformément à cette constante géopolitique, Donald Trump se retrouverait face au même problème. Sauf que je ne pensais pas que ça arriverait si vite. Je pensais que ça prendrait 1 ou 2 ans. Or, là, l'histoire s'accélère incroyablement. Et en plus, c'est un événement mineur. C'est le bombardement d'une usine de gaz sarin. C'est seulement ça qui a inverser la politique de Donald Trump. En fait, il y a eu des pressions sur Donald Trump ces derniers mois à l'intérieur même du Parti républicain. Il faut savoir que le 20 mars, il y a eu une séance du House Intelligence Committee sur les ingérences russes, donc une commission d'enquête sur la possible influence des Russes sur Donald Trump et son équipe. En gros, ce qu'on lui a fait comprendre, c'est soit tu t'alignes sur la politique républicaine néoconservatrice, soit c'est l'impeachment. L'impeachment, c'est une procédure juridique anglo-saxonne qui permet une destitution d'un dirigeant politique, là en l'occurrence de Donald Trump. Et c'est ça qui est en train de se jouer à l'intérieur même de l'appareil d'État américain. Et sur le fond du conflit syrien, on rappellera les propos de Roland Dumas qui expliquait qu'on avait essayé de le coopter en Angleterre pour participer à cette opération. Parce que, précisément, la Syrie était le seul État qui mettait en danger Israël. Et beaucoup d'événements, dont l'élection de Donald Trump, sont à replacer dans le contexte d'une guerre qui ne dit pas son nom, qui est en fait une guerre russo-israélienne, qui a été dénoncée par le général Delavarde dans un article qui a été d'ailleurs publié sur Égalité et Réconciliation. Et d'ailleurs, très récemment, je vous signale que Netanyahou est allé rendre visite à Poutine. Netanyahou lui a renouvelé sa demande d'attaquer l'Iran. Et Poutine s'est moqué de lui en disant que l'histoire de la Perse ennemie d'Israël, ça remontait 5 siècles avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que quelques jours après que finalement Poutine ait envoyé chier Netanyahou, Netanyahou trouve la réponse à sa demande du côté américain. Et d'ailleurs, entre les deux, on a eu aussi un attentat islamique à Saint-Pétersbourg. On voit bien que la clé, la carte israélienne est quand même sous-jacente en permanence, parce que, comme dirait l'autre, à qui profite le crime ? Qui a intérêt à ce que la guerre reprenne là-bas ? Le seul bénéficiaire de ce danger mortel de Troisième Guerre mondiale, c'est Israël. Je rappellerai que Première Guerre mondiale, déclaration Balfour, Deuxième Guerre mondiale, partition de la Palestine de 1948, Troisième Guerre mondiale, le Grand Israël. Hein, c'est un peu ça, ça rejoint un peu la lettre de Pike, même si je ne suis pas sûr que ce ne soit pas un faux, mais on est quand même profondément là-dedans. Hein. Et quand Jean-Marc Ayrault disait que Alep était le Guernica de la Troisième Guerre mondiale, finalement, il rejoint complètement cette analyse. Alors, j'aimerais rebondir là-dessus, parce que j'avais publié un article juste avant la visite de Netanyahou à Moscou. L'article s'appelle « État des lieux de la géopolitique mondiale » et je mettais en évidence que, un, bien sûr, l'État syrien accompagné des Iraniens et des Russes est en train de gagner en Syrie contre les terroristes, que la stratégie qui avait été promue par Kissinger, dont j'avais parlé en 2015, c'est-à-dire tendre la main à la Russie, mais en même temps exiger que la Russie abandonne l'Iran et la Syrie, avait échoué. À partir de là, Netanyahou a pris peur et s'est rendu à Moscou pour demander justement à Poutine d'ordonner au Hezbollah et à l'Iran de quitter la Syrie. J'avais annoncé que Poutine refuserait. Poutine a refusé le 17 mars, c'est-à-dire, donc la rencontre a eu lieu le 9 mars. Le 17 mars, il y a eu des chasseurs israéliens qui sont partis bombarder des positions de l'armée syrienne près de Palmyre pour aider les groupes terroristes. Ce qui n'était pas la première fois, hein. Ça fait années que ça dure. Bien sûr. Et donc, un chasseur a été abattu, les autres ont pris la fuite. Et quelques semaines plus tard, donc, il y a eu l'attentat à la bombe à Saint-Pétersbourg, et immédiatement dans la foulée, il y a eu donc le gazage en Syrie. Le gazage, d'ailleurs, il faudrait, d'après les infos même officielles, on nous dit en gros qu'un lieu de production militaire a été bombardé et que de là, il y aurait eu du gaz. Ce qui veut dire en fait que l'armée syrienne régulière a bombardé un stock d'armes des rebelles djihadistes, et donc ce qui veut dire que les rebelles djihadistes fabriquent des armes au gaz. Donc personne ne peut dire et ne peut croire que c'est l'armée syrienne qui a balancé du gaz à un moment donné où elle a aucun intérêt à le faire, alors qu'il y avait une réunion deux jours après qui donc d'ailleurs a été annulée. Personne ne peut croire que les Syriens ont bombardé au gaz des positions sur leur propre territoire. C'est absolument absurde. Et tout ce qu'on nous dit, la seule chose qu'on peut, si ça existe un peu, cette histoire de gaz et de mort, parce qu'on est capable d'exhiber les photos qu'on veut, c'est qu'en fait, ce sont Daesh qui avaient des stocks d'armes utilisant les gaz, et que l'armée régulière a bombardé un stock d'armes sans savoir que dedans, il y avait des armes au gaz, là, qui se sont répandues. Donc, de toute façon, la communauté internationale devrait montrer Daesh du doigt. D'ailleurs, à partir de septembre 2013, le gouvernement syrien a accepté une destruction de toutes ses armes chimiques une destruction qui a été supervisée par l'ONU et par un organisme indépendant international. En 2015-2016, on a eu confirmation que toutes les armes chimiques appartenant au gouvernement syrien ont été détruites. Donc, officiellement, la Syrie n'a plus d'armes chimiques. Sauf que, on a eu des informations, le gouvernement syrien a prévenu l'ONU, lui a dit qu'un convoi de camions, donc de 12 camions, en provenance de la Turquie et transportant des armes chimiques, se dirigeait vers Idlib. Donc, on sait que la Turquie a approvisionné les rebelles, les terroristes en armes chimiques, et que s'il y a eu des armes chimiques qui ont explosé, ce sont des armes chimiques qui appartiennent aux rebelles. Et alors, un signe important des dissensions, voire de la guerre qui secoue, la guerre interne qui secoue l'appareil d'État américain, c'est le remerciement il y a deux jours avant. Steve Bannon. Oui. Alors c'est intéressant parce que depuis l'élection de Trump, on a vu même avant, à partir de son discours qu'il a donné à l'AIPAC en mars 2016, on a vu une montée en puissance dans son entourage du jeune Kushner. Qui est son gendre. Et qui est aussi juif orthodoxe. Juif orthodoxe, appartenant à une famille très, très riche. Et, dont le frère, d'ailleurs, a été aperçu dans des manifestations anti-Trump. Ah, pour la parenthèse. Intéressant. Opposition contrôlée. Mais alors, en fait, donc, ce Jared Kushner appartient à une famille très riche qui a financé d'ailleurs plusieurs hommes politiques, des responsables politiques américains. C'est lui qui a rédigé le discours de Donald Trump qu'il a donné en mars 2016 devant l'AIPAC. À partir du 8 novembre, c'est-à-dire à partir de l'élection de Donald Trump, on a vu une montée en puissance de Kushner au détriment des fidèles en général de Donald Trump. C'est d'ailleurs Jared Kushner qui a conseillé à Donald Trump de prendre son fameux colistier dont j'ai oublié le nom, qui est le vice-président actuel, Pence, à la place des véritables soutiens de Donald Trump. Alors, on peut se poser la question, est-ce que la finance n'a pas utilisé l'épée de Damoclès du dollar en disant à Donald Trump, écoute, tu peux faire ta politique intérieure, ta politique de relance économique, ta politique de lutte contre l'immigration, et on maintient le dollar sans qu'il s'écroule en échange d'une politique étrangère qui sera la nôtre. Alain Soral. Oui, il semble bien que Trump, qui est en fait qui n'a que 35 sénateurs avec lui, et donc qui a non seulement les démocrates contre lui, mais tous les néoconservateurs républicains contre lui, donc il n'a pas de majorité pour gouverner. Son urgence, lui, c'est pas la politique étrangère, les Américains s'en foutent et n'y comprennent rien, c'est la relance économique, hein, c'est-à-dire relocalisation, emploi et grands travaux. Et je pense qu'en ce moment, très fragilisé, et ayant gagné les élections mais n'ayant pas le pouvoir, hein, faut bien comprendre que c'est pas du tout la même chose, surtout aux États-Unis, il est en train de sacrifier sa politique étrangère pour qu'on lui laisse faire un peu de politique intérieure, parce que dans deux ans il sera jugé surtout sur l'emploi, hein. Il peut, alors qu'à la limite l'américain moyen, une petite démonstration de force américaine avec des bébés morts, il se dit sans doute que peut-être que ça peut l'aider à remonter un peu dans les sondages et à refaire une union sacrée comme savent très bien le faire les Américains. Mais ce qui est tragique, c'est que ça correspond pas du tout à sa ligne politique ni à ses convictions profondes. Donc c'est bien un type qui a gagné les élections, qui est très fragile parce qu'il n'a pas de majorité et qui est oublié et qui est obligé un peu de baisser son froc sur la politique étrangère pour pouvoir marquer quelques points sur la politique économique intérieure. Quoi. Il baisse son froc, mais en même temps, il y a des choses qui sont troublantes dans cette attaque de cette base militaire syrienne. C'est que les 48 missiles sont passés, la piste de décollage n'a pas été détruite, donc des avions syriens ont pu décoller deux jours après. C'est quand même une attaque militaire, d'ailleurs, qui a été, c'était une attaque qui a été considérée comme un échec. Il y a la thèse Messan, qui n'est pas à négliger complètement, c'est que normalement, le système de défense anti-aérien russo-syrien aurait dû détruire les Tomahawk. Donc il est évident là que Poutine savait ou a été prévenu, et les Syriens aussi, et qu'ils ont laissé passer finalement les missiles pour que ce soit spectaculaire. D'une certaine manière, les Russes et les Syriens ont aidé Trump à faire une opération spectaculaire qui peut peut-être l'aider en termes de politique intérieure, avec un coût très faible, puisque de toute façon, ça n'a pas détruit grand-chose. Donc c'est là où la thèse Messan est possible, c'est qu'il y a quand même une espèce de connivence entre Trump, les Poutine et les Syriens, pour que Trump puisse faire une petite opération de communication en réalité qui n'a pas coûté très cher aux Syriens et que les Russes ont laissé passer, puisque d'ailleurs là les Russes ont dit que dorénavant l'espace aérien serait fermé, mais ça veut dire bien qu'ils l'avaient ouvert, parce que sinon normalement on sait très bien que si les Américains à l'époque d'Obama avaient renoncé aussi à leur débarquement, c'est parce que les Russes leur avaient démontré qu'ils avaient les moyens de détruire en l'air leur système d'attaque, la Tomahawk, et que le système américain c'est d'envoyer des Tomahawk pour détruire les défenses anti-aérienne, et après d'envoyer des bombardiers à très haute altitude. Or, si la phase 1 ne réussit pas, la phase 2 n'est pas possible. Et on sait que si les Américains ont renoncé à la guerre en Syrie, c'est parce qu'ils savent aujourd'hui que la technologie militaire russe, que les Russes ont offert aux Syriens, leur permet de descendre, descendre en l'air, voire de détourner les Tomahawk. Or là, visiblement, on a laissé Trump faire son numéro de virilité et on lui a laissé toucher un petit objectif secondaire. Donc il est possible quand même, quelque part, que les Russes et les Syriens aient laissé Trump se sortir un petit peu du très mauvais pas dans lequel il est par rapport à son opposition néoconservatrice à moindre coût, parce que peut-être qu'il préfère un Trump qui lâche un peu sur la politique étrangère, qu'un Trump qui se fait complètement, comment tu as dit, virer. Hein? Oui, l'impeachment. Ouais. Alors, j'aimerais préciser une chose par rapport à cette attaque. Il est vrai que les Américains ont prévenu les Russes à la dernière minute. C'est pour ça que les Russes n'ont pas riposté. Contrairement à 2013, en septembre 2013, les Américains ont fait un énorme tapage, ils ont envoyé leurs navires de guerre, ils allaient bombarder, et là, les Russes se sont interposés. J'ai lu un spécialiste, un expert militaire russe, qui disait « Nous avons... » Peut-être qu'il exagère, mais il dit « Nous avons laissé les Américains bombarder, sinon le monde ne se serait pas réveillé demain matin. » En fait, d'un côté, les Russes ont laissé bombarder cette base à Trump. Trump, de son côté, ça lui permet de dire à sa majorité néoconservatrice, voyez, je change de cap sur le plan géopolitique. C'est pour ça que je dis qu'en fait, ça, c'est un casus belli, mais un casus belli mineur qui indique symboliquement le changement d'orientation de la politique internationale de Trump. Mais ça ne veut pas dire que les Russes laisseront faire la prochaine fois. Il y a une déclaration qui vient d'être faite, là, qui est en arabe pour l'instant. On m'a envoyé un certain nombre de points, on m'a envoyé plusieurs points traduits. C'est une déclaration commune russo-irano-syrienne qui disent bien que c'est la dernière fois qu'ils laissent faire. Hein. Sachant que la stratégie de la tension en Syrie qu'on observe actuellement desserre l'étau par ailleurs à Mossoul et laisse Daesh respirer en quelque sorte. Oui, d'ailleurs, en plus de ça, cette frappe a permis de masquer les centaines de morts civiles qu'il y a eu à Mossoul à cause des bombardements américains otanesques. Ça, il faut quand même le rappeler. C'est-à-dire qu'on veut bombarder la Russie pour de prétendues armes chimiques qui auraient explosé. Or, les Américains eux-mêmes avaient fait quelques jours auparavant des centaines de morts du côté de Mossoul. Sans compter de ce qui se passe au Yémen. Hein. Oui. Où là, les enfants morts, il y en a Enfin, c'est toujours le même enfumage émotionnel qui correspond à la gestion politique féminisée occidentale. On exhibe un enfant mort et d'un seul coup, plus rien n'est compréhensible. Qui croit à ça ? Ce qui est tragique dans tout ça, on va peut-être y aborder, c'est la position de la France, la position officielle de la France, qui est la plus soumise, la plus honteuse, la plus dégueulasse. Jean-Marc Ayrault, il y a rien en dessous. Hein. C'est quand même impressionnant de voir Jean-Marc Ayrault, Benoît Hamon, Emmanuel Macron et tous les autres se mettre à soutenir Donald Trump. Là, c'est quand même un retour. Donald Trump belliqueux. Voilà, hein, Donald Trump c'est ça. Va en guerre. Hein, c'est-à-dire, parce que normalement, si les Russes réagissent, et d'ailleurs, on voit la très grande sagesse de Poutine, qui est une tradition d'ailleurs qui remonte à Staline en réalité, d'essayer toujours de gagner en faisant le moins d'engagement militaire possible, contrairement à ce qu'on croit. C'est que là, ça me rappelle l'histoire du sous-marin qui avait été coulé à l'époque, et Poutine a fait semblant de ne pas voir que c'était une torpille américaine qui, par erreur, l'avait coulé, le Kursk. Hein, étudier l'affaire du Kursk, hein, où Poutine a sacrifié 165 marins sous-mariniers russes pour pas rentrer dans la Troisième Guerre mondiale. Hein. Là, c'est pareil, c'est que si comment dirais-je, Poutine s'était comporté comme Trump, on est dans la Troisième Guerre mondiale. Hein. Et c'est là que je reviens. Qui, en fait, a intérêt à la Troisième Guerre mondiale et à qui ça ne fait pas peur, cette Troisième Guerre mondiale ? Je le répète, les seuls qui ont intérêt à qui ça ne fait pas peur, c'est Israël. Hein. D'ailleurs, Netanyahou a salué les frappes. Erdogan aussi a salué les frappes. Et je tiens à préciser, par rapport à la soumission de Trump à l'état profond, on a vu un changement de discours des républicains vis-à-vis de Trump. On a vu McCain faire l'éloge de Trump dans les médias américains. Les Saoudiens sont passés par Washington. Ils ont aussi fait l'éloge de Trump. Ça signifie le changement de cap. Et pour revenir à ce que disait Xavier par rapport à la question économique, en fait, c'est plus grave que ça. Parce que Trump est en train de lâcher, pas seulement sur le plan géopolitique, mais aussi sur le plan économique. J'ai sous les yeux une déclaration d'un spécialiste, donc Charles Gasparino, journaliste économique de Fox News, qui écrivait le 5 avril « En matière de libre-échange, il semble que le président soit ramené au centre par son conseiller économique Gary Cohn, lui-même intime de Kushner. » Il faut préciser que c'est Kushner qui a mis ce conseiller économique dans les pattes de Trump. Parce que ces gens-là veulent en fait le beurre et l'argent du beurre, même si Trump pense qu'il va pouvoir négocier. Mais l'attitude, donc, de Trump face à la finance est une des premières données, et la deuxième donnée, c'est l'attitude qu'il va avoir lors de sa première rencontre physique avec Vladimir Poutine. Et on sait que Vladimir Poutine s'est distingué à chaque fois quand il a eu des rencontres physiques pour la première fois avec ses interlocuteurs. On se rappelle avec George Bush, quand il manœuvre la voiture un peu vite et que Bush sort limite malade. On se rappelle de la conférence de presse de Nicolas Sarkozy, et on verra et on attend ce qui sera le prochain épisode à suivre, cette rencontre entre Trump et Poutine. Récemment, Trump, qui fait des vidéos internet pour donner en fait sa ligne, et qui il a fait du Kennedy, c'est-à-dire qu'il a remis en avant la NASA et la conquête spatiale. Et ça m'a immédiatement fait tilt, parce que c'était aussi la grande communication de Kennedy à l'époque, pour essayer d'emmener le peuple américain avec lui. Si Trump fait ça, c'est qu'il est en train de lâcher pratiquement sur tout, hein, pour promettre les étoiles, parce qu'il lui reste plus que ça. Et n'oubliez pas, et là je reviens au bouquin de Guyenneau que nous avons édité, qu'il est très possible en fait que l'assassinat de Kennedy, et n'oubliez pas que les deux frères y sont passés, c'est, quand on parle de l'état profond, c'est essentiellement Israël, hein, qui a voulu la peau de Kennedy, président catholique qui voulait empêcher les Israéliens d'avoir la bombe. Il était sur la même ligne que De Gaulle, il y en a un qui est mort et l'autre qui a été viré par Cohn-Bendit. Hein. Et je pense qu'il faut bien faire le parallèle entre Trump et Kennedy. C'est un président de rupture radicale qui a essayé qui a proposé une rupture radicale à tous les niveaux, et qui est en train de comprendre qu'il n'en a pas les moyens. Et je veux dire, il est en danger de mort, hein, faut pas oublier. Hein. Et là, il lâche, c'est très décevant pour nous. Je vois même des jeunes qui disent quel salaud, il a trahi, etc. Je pense qu'il est assiégé, il est encerclé dans la Maison Blanche, il est en danger quelque part, et il essaye de survivre d'une certaine manière, parce que soit il se retire, soit il essaye de durer et pour tenir. Il est en train de lâcher un peu de partout, et je crois malheureusement qu'il avait, sous-estimé la puissance, la perversité de l'état profond. Il savait que ses ennemis étaient du côté des démocrates, il pensait peut-être ramener à lui les républicains, et je pense qu'il est en train de mesurer ce dont on parlait Mersheimer et Valt, c'est-à-dire la toute-puissance du lobby, on va dire, sioniste sur les États-Unis. Ouais. Alors, j'aimerais préciser une chose pour revenir à la géopolitique plus globale. Deux jours avant l'élection de Trump, j'avais écrit un article sur Arès sur Info qui a été relayé par Égalité et Réconciliation, dans lequel je disais justement que si Trump veut survivre physiquement et sauver son mandat, il n'avait de mon point de vue qu'un seul choix, c'était s'il voulait, s'il voulait sauver sa peau, son mandat, et accomplir son programme, c'était de se mettre sur la nouvelle stratégie géopolitique de Brzezinski. Renonçait à l'Amérique impériale, l'Amérique monde, et il proposait en gros, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais un partage du monde avec la Russie et la Chine. Et malheureusement, ce que j'ai pu constater, c'est qu'il s'est plutôt mis sur la ligne de Kissinger. C'est ce que j'ai écrit dans mon article. C'est nettement plus sioniste que la ligne Brzezinski. Bien sûr. En fait, voilà la subtilité entre la différence entre les deux stratégies. C'est que lui, ce que je disais, c'est que Brzezinski voulait une sorte de Yalta 2, mais sans guerre mondiale. C'est-à-dire qu'on se partage le monde sans le faire exploser. Mais la ligne de Kissinger, j'ai compris que Trump était sur cette ligne-là à partir de novembre, lorsque j'ai vu à la télévision américaine Kissinger soutenir Donald Trump juste après son élection. Et en fait, la ligne de Kissinger, c'est on tend la main, et il continue de le faire, on tend la main à la Russie de Poutine, on l'intègre au système international, mais on exige absolument qu'il lâche l'Iran et la Syrie. Sauf que du point de vue des Russes, lâcher l'Iran et la Syrie, c'est revenir à Eltsine, hein. C'est renoncer à leur puissance stratégique. C'est la mort pour eux, parce que ça veut dire qu'on ouvre la voie aux groupes terroristes qui vont passer par le Caucase. Donc, pour les Russes, c'est hors de question. On ne lâche pas l'Iran et la Syrie. Donc, la stratégie de Kissinger suivie par Trump implique une confrontation contre les Russes qui ne voudront pas jamais lâcher la Syrie et l'Iran. Voilà un peu la complexité. Et si on veut comprendre pourquoi la Syrie et l'Iran, c'est si important, on a la thèse sur les gazoducs en concurrence, mais on a aussi la thèse peut-être encore plus profonde du Grand Israël. Oui. C'est que le projet du Grand Israël était, comment dirais-je, imminent. Hein, et normalement, la Syrie devait tomber. C'est Poutine qui l'a sauvée, la sauver. Et tant que la Syrie ne tombe pas, l'Iran ne peut pas tomber et le Grand Israël est bloqué. Peut pas se faire, voilà. Et on est dans une période effectivement d'imminence messianique pour beaucoup beaucoup de leaders, on va dire judéo-sionistes dans le monde, en Israël et aussi aux États-Unis. Et là, on a simplement des gens qui sont en train de qui veulent monter la dernière marche. Un Poutine qui les empêche pour des points de détail. Hein. Oui, c'est ça. Ces gens-là s'énervent, surtout que peut-être qu'ils ont absolument besoin de ce saut qualitatif, parce que sinon les contradictions sont tellement grandes que si Israël ne grandit pas, sa survie même est problématique. Et on a donc là des gens qui peut-être pensent que comme ce sont des mystiques, et des mystiques vétérotestamentaires d'une très grande violence, faut pas oublier cette très grande violence contenue dans le projet judéo-messianique, pour eux peut-être que la Troisième Guerre mondiale est le prix à payer pour atteindre cet objectif. Parce que sinon on comprend pas que le monde est au bord de la Troisième Guerre mondiale pour une question de changement de régime en Syrie, qui est un petit pays sans matières premières, de 25 millions d'habitants. Franchement, sinon, si on n'a pas cette lecture, je dirais biblique, c'est incompréhensible. D'ailleurs, on précisera que l'armée israélienne attaque les infrastructures syriennes sous prétexte d'attaquer les convois du Hezbollah. Oui, ça fait depuis 2012 qu'ils font ça. C'est ce que je disais à Alexandre Artamonov à la télévision russe il y a quelques semaines. J'ai bien précisé, il faut insister là-dessus. S'il y a une troisième guerre mondiale, ce sera à cause et pour Israël. Déjà, premièrement, il faut préciser que le projet israélien, dès le début du XXe siècle, comprenait le Nil, l'Euphrate, la Syrie, le Liban, etc. C'est écrit noir sur blanc, d'ailleurs, dans le projet de Ben Gurion, que je rapporte dans mon premier ouvrage, avant même 1918, donc avant la création du foyer national juif. Ce que Wolt et Mersheimer ont mis en évidence, et ça, je l'ai remis en perspective, justement, dans la perspective du projet messianique de long terme, c'est que ce ne sont pas les compagnies pétrolières, le lobby de l'armement ni le lobby pétrolier qui ont fait pression sur les États-Unis pour qu'ils détruisent le monde musulman. C'est exclusivement le lobby pro-israélien et les dirigeants israéliens. D'ailleurs, ce que j'ai rapporté dans mon premier ouvrage, c'est que les fameux documents, les faux, rapportés par Colin Powell au Conseil de sécurité pour justifier la guerre d'Irak sont en fait des faux qui ont été fournis, des fausses preuves fournis par Israël, par le Mossad, et qui ont été donnés à l'État américain pour qu'ils s'en servent. Et donc, il faut bien garder en tête que le printemps arabe, qui est en fait un printemps sioniste, un printemps israélien, avait pour but de découper le monde musulman. Les groupes terroristes étaient là, ont été créés pour finir ce travail-là, pour faire sauter les derniers verrous. Et donc, il y a trois verrous qui restent à faire sauter. Hezbollah, comme l'a dit Alain, la Syrie et l'Iran. Le croissant chiite. Et pour bien comprendre tout ça, il faut bien intégrer dans ce que j'appelle l'Empire, la dimension Saoud-Émirat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est bien américano-saoudo-sioniste. Les Émiratis, qui sont en fait des bases américaines, qui protègent des bédouins milliardaires, à condition d'une certaine manière qu'ils participent au truc, parce que sinon ils sont éjectés demain. On voit bien à travers l'achat, par exemple, des Rafales à la France qu'on n'avait jamais vendues, que c'est finalement les Saoudiens et les Qataris qui, par de l'achat d'armement, finance en réalité la guerre qui coûte très cher là-bas. Parce que ces Tomahawks là que les Américains ont balancé, ça coûte une fortune. Et ce qui est horrible aujourd'hui dans cette espèce de triplette là, c'est que ce sont les protecteurs officiels des lieux saints de l'islam qui sont chargés en fait de financer avec leur pétrodollar. Puisque quand ils ont acheté les Rolls en or et Marbella, ils ont de l'argent à ne plus savoir qu'en faire, et qu'il leur est interdit de développer leur propre pays, en faisant émerger ce qu'avait fait en Irak Saddam Hussein, c'est-à-dire des élites techniciennes, etc. Ils ne restent en place que parce qu'ils ne dépensent leur argent que dans du somptuaire, des centres commerciaux et des conneries comme ça. Chaque fois qu'un prince saoudien essayait de faire mieux que ça, il s'est fait putcher par son neveu, son cousin, et assassiné, il ne faut pas oublier. Et aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'on a un triangle américain saoudo-sioniste, et je dirais américano-saoudo au service du sionisme. Et que c'est d'une perversité énorme, puisque ce sont en fait les musulmans officiels qui sont chargés de financer cette guerre de conquête américaine au service du sionisme. Il y a, les Américains fournissent l'armement, les Saoudiens, quand je dis les Saoudiens, les Saoudiens et les Qataris payent, en fait ils payent avec leur pétrodollar, puisque, et puis les Israéliens sont les bénéficiaires du truc. Oui. Et si on remonte historiquement, on voit que à l'issue de la Première Guerre mondiale, puis de la Seconde, et surtout entre les deux, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu déjà la révolution jeune turque, qui est une révolution sabbatéenne, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, 1908, l'année même de la révolution, on a un bureau sioniste qui s'installe à Constantinople, nouveau Istanbul. Après la Première Guerre mondiale, il y a la création du foyer national juif. Dans la foulée, il y a les wahhabites, les saoudo-wahhabites, soutenus par les Britanniques, qui finissent de prendre le pouvoir en 1932-1933, après avoir conquis les lieux saints en 1924. Donc déjà, après la Première Guerre mondiale, on a déjà sur le plan géopolitique cette alliance vétérotestamentaire, parce que quand on fait une étude même théologique du protestantisme calviniste, du wahhabisme et bien sûr du sionisme, on voit que la plateforme idéologique, c'est l'Ancien Testament. Et donc on voit que si on prend, on a une profondeur, une vision religieuse de l'histoire et qu'on pose dessus une carte géopolitique, on voit que c'est parfaitement cohérent. La Turquie d'Erdogan, héritière de la révolution jeune turque, parce que lui c'est un turc noir, l'Arabie saoudite wahhabite, le foyer national juif qui est devenu l'État d'Israël, et le monde vétérotestamentaire judéo-protestant, anglais, Angleterre, Amérique, qui a soumis le continent latin et germanique contre le reste de l'humanité. Voilà la grille. Et n'oublions pas ce qu'on peut appeler les trotskistes de l'islam, c'est-à-dire le retournement des frères musulmans à partir du moment où le problème a été le nationalisme arabe. Nationalisme arabe, d'abord nassérien, qui est, je le rappelle, ni d'inspiration anglaise ni d'inspiration française, mais d'inspiration allemande. Faut pas oublier. Et qui donne aussi les deux baasismes syriens et irakiens. Donc là, on est bien aussi aujourd'hui dans à la fois au service de ce que j'appelle l'Empire, les méchants musulmans, on va dire takfiriques, là, wahhabites, et puis aussi les faux gentils musulmans, fréristes, qui sont aussi là pour détruire le nationalisme arabe, ce qu'il en reste, et surtout la modernité possible arabe, notamment sur le plan technique et technologique. C'est-à-dire que l'obscurantisme, on va dire l'obscurantisme wahhabite, aujourd'hui, est utilisé pour empêcher tout sursaut du monde arabe, hein, et en même temps, le frérisme est utilisé pour empêcher tout ce qui peut rester du nationalisme arabe, qui était aussi un pied dans la modernité avec une vision d'indépendance. Et on a bien ce monde très très complexe, ce que j'appelle le rasoir à deux lames, dont non seulement une triplette impériale qui est américano wahhabo-sioniste, mais en plus, avec le mauvais flic qui fait peur, puisque en fait le wahhabisme est une menace qu'on fait peser sur les musulmans, je dirais, du quotidien européen. En réalité, Daesh menace les musulmans, parce que ça les oblige à se soumettre théologiquement et politiquement aux droits de l'homme, et on le voit. Et c'est bien, et donc il faut bien aussi comprendre ça, cette triplette américano-wahhabo-sioniste, et du côté de l'islam, le mauvais flic wahhabite, hein, qui amène le bon flic frériste, c'est-à-dire Tariq Ramadan, c'est-à-dire le Vatican II de l'islam. Et tout ça nous fait quand même une globalité, une dynamique globale impériale de soumission de la totalité du monde à cette puissance finalement vétérotestamentaire, dont qui conduit à la fin à Jérusalem, capitale du monde selon les rêves attaliens. Hein. Et ce qu'on voit aussi, c'est que Erdogan a changé de camp au milieu de la bataille, en se ralliant avec Vladimir Poutine, a commencé à purger l'appareil d'État turc des éléments kémalistes et des Dönmé, dont tu parlais tout à l'heure, et que on va voir, à mon avis, des opérations de déstabilisation de l'État turc dans les prochains mois. Ça peut expliquer que pourquoi le pouvoir américain est si pressé aujourd'hui de réattaquer sur la Syrie, parce que c'est peut-être pour pas laisser le temps à Erdogan de basculer complètement de l'autre côté, parce que s'il sort de l'OTAN et qu'il se range du côté de Poutine, ça fait un allié majeur dans la région. Et là, peut-être qu'il y a un projet, à mon avis, peut-être d'assassinat même d'Erdogan. Et il faut pas... le temps joue, je dirais, contre l'Empire si Erdogan se range du côté russe. C'est peut-être pour ça qu'il y a une espèce d'accélération dangereuse du calendrier, on va dire, américano-sioniste, parce que il faut pas laisser à Erdogan le temps de passer de l'autre côté avec armes et bagages. Il y aurait cette lecture-là possible. Hein. Alors oui, sur Erdogan, moi je serais peut-être plus nuancé. Alors on va refaire la chronologie. J'avais, lors d'un entretien avec Jean-Michel Vernochet, c'était en octobre de 2015, j'avais dit voilà, Erdogan, la Turquie d'Erdogan joue au Proche-Orient un peu le même rôle pour les États-Unis que joue l'Allemagne en Europe, c'est-à-dire qu'on lui dit tu vas devenir un empire régional à condition que tu t'alignes sur notre agenda. Erdogan, qui lui se voit comme un nouvel empereur, a voulu plutôt utiliser l'OTAN et la guerre contre la Syrie pour accomplir son propre agenda, indépendamment de l'agenda. Reconstitution du califat. En fait, plus loin que ça, parce qu'en fait, on dit que Erdogan est un néo-ottoman. En fait, non, c'est un néo-kémaliste, parce que le projet d'Erdogan ressemble bien plus au projet kémaliste, c'est-à-dire plutôt jacobin, expansion territoriale, alors que l'Empire ottoman, surtout au XVIIIe, XIXe siècle, était un empire décentralisé dont la présence physique ne se faisait même pas sentir dans les territoires arabes. Notamment en Palestine. Et Erdogan, comme il a commencé à montrer des velléités d'indépendance par rapport à l'OTAN et aux États-Unis, a commencé à être menacé. Je me souviens que j'ai écrit un article sur Erdogan et la Turquie début juillet 2016, et j'annonçais que Erdogan pourrait être renversé. Deux semaines plus tard, il y a eu la tentative de coup d'État. Alors Erdogan lui-même s'est retrouvé orphelin, parce que pour l'OTAN, il a fait frapper un bombardier russe fin 2015. Donc, il s'est retrouvé... Et là je dois dire que sur le plan stratégique, il a été totalement stupide. Parce que il a commencé à s'aliéner les Américains, puis dans la foulée, il s'est aliéné les Russes. Il a donc dû rétro-pédaler, retisser des liens avec Israël et essayer de se réconcilier avec Poutine. Et c'est d'ailleurs certainement les Russes qui, eux, ont une vision plus fine, se sont dit « on va retourner Erdogan ». Et sauver le soldat Erdogan qui se retrouve très isolé. Oui. Voilà, on va le sauver parce qu'il est isolé et surtout parce qu'il est affaibli. Mais Erdogan, je ne lui fais pas confiance. D'ailleurs, là, quand il y a eu les frappes, il a dit qu'il était tout à fait favorable aux frappes américaines, et il a d'ailleurs déclaré qu'il fallait aller plus loin. Alors, autre enjeu dans une autre partie du monde, la Corée du Nord, on a vu le départ d'un porte-avions américain en direction de la Corée du Nord, donc une augmentation des tensions dans cette région également. Est-ce que, finalement, ces attaques en Syrie ne sont pas aussi un avertissement pour la Corée du Nord ? Il est certain que les déclarations préélectorales de Trump en disant « on va cesser d'être les gendarmes du monde », ça a sans doute laissé penser à pas mal d'acteurs qu'ils allaient pouvoir effectivement s'émanciper un peu par rapport à des menaces. Et peut-être aussi que là, Trump est en train de se faire rappeler à l'ordre par l'État profond américain, en disant on a des positions à maintenir. La déclaration que vous avez faite est de fait une déclaration qui peut laisser penser à la Corée du Nord qu'elle peut faire des essais de missiles, etc. Et là, on voit bien qu'il y a une rectification de tir assez intégrale, et on voit bien qu'il y a sans doute une certaine, je dirais, candeur, naïveté de Trump qui est rappelée à la raison sur ce que c'est que l'Amérique, non pas l'Amérique dont il rêve, et l'Amérique qui fait que les électeurs l'ont élu, parce que finalement, il était sans doute de bonne foi. Je pense qu'il est en train de se faire ramener à la raison et de mesurer à quel point il avait sous-estimé, je dirais, la laideur de l'Amérique quand il faisait des déclarations assez anti-américaines, en disant et nous vous pensez qu'on tue personne. Je me rappelle, il y avait un charme de Poutine de Trump qui était le type qui arrive en politique. C'est l'inverse d'ailleurs de Poutine qui lui est arrivé de manière très très sournoise, discrète, en connaissant très très bien le problème. Et Trump, c'est à l'américaine, c'est le cow-boy qui arrive en pensant que avec la Bible et une paire de Colt et une paire de couilles, on peut changer le monde. Et là, il est en train de se faire ramener à la raison hyper violemment, et c'est triste d'ailleurs. La testostérone sans les réseaux. Voilà, ouais, c'est triste parce que je pense pas que ce soit un traître, c'est qu'il est en train de se faire mettre à l'amende violemment. C'est pour ça, attendons sa première entrevue physique avec Vladimir Poutine. Oui, alors c'est pour ça que je citais aussi Brzezinski tout à l'heure. Je pense qu'il aurait, alors moi je suis pas à l'intérieur, je sais pas ce qui se passe, mais s'il avait été peut-être plus intelligent ou s'il en avait eu les moyens, il aurait dû s'aligner sur Brzezinski, parce que il avait pointé du doigt justement cette contradiction. Brzezinski, en avril 2016, il s'adressait à Trump, mais pas directement, il parlait des isolationnistes. Il dit les isolationnistes qui veulent faire un retrait brutal du monde musulman, du reste du monde, des États-Unis, vont créer en gros plus de problèmes qu'ils ne vont en régler. Là, c'est le point de vue d'un impérialiste américain. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'on ne doit pas quitter nos théâtres d'opération, on doit calmer le jeu au Proche-Orient et discuter, renégocier avec la Russie et la Chine. Lui, Donald Trump, a voulu jouer l'isolationniste brutal et il s'est retrouvé face au problème qu'annonçait déjà Brzezinski. C'est-à-dire ce que disait Alain, c'est-à-dire le feu vert pour toutes les puissances, y compris la Corée du Nord, de faire à peu près ce qu'ils veulent. Et ça a été un moyen de pression, justement, de son entourage. Pour revenir à Kushner, c'est vrai qu'à l'intérieur même de l'appareil d'État, en tout cas de son équipe, lui, Kushner, il joue un rôle très important parce qu'il y a la pression extérieure, donc des néoconservateurs qui sont en train de repousser Trump dans ses derniers retranchements. Et lui, Kushner, il joue le rôle du bon flic, justement. Il va voir Trump, il lui dit « T'inquiète pas, moi je vais te mettre un tel et un tel, on va se repositionner, on va se recentrer sur le plan géopolitique, sur le plan économique, etc. Et tu vas pouvoir sauver ton mandat. » Il y a la phrase d'un grand flic américain là qu'on avait relayé qui disait la vie de Trump n'est pas assurée à la Maison Blanche. Oui. Hein, c'est-à-dire qu'il est à un moment donné un type qui est comment dirais-je à la Maison Blanche. N'oublions pas Kennedy, hein, Kennedy et les deux frères. Je pense que ça doit lui venir à l'esprit. Hein. Les États-Unis sont un pays qui assassine et tente d'assassiner depuis qu'il existe les présidents réticents, notamment au pouvoir bancaire. Hein, rappelons-nous que le défi permanent des présidents, si dans comprendre l'Empire, je le rappelle, c'est qu'il y a les présidents qui se sont soumis au pouvoir bancaire. Bah, c'est Woodrow Wilson à la Réserve fédérale, et ceux comme Jackson qui ont fait graver sur leur pierre tombale « J'ai vaincu la banque hein. ». Donc on voit bien que le vrai combat de fond aux États-Unis, et ce depuis d'ailleurs l'indépendance envers l'Angleterre, c'est une indépendance, je dirais, bancaire. Hein, et que régulièrement, on a le président qui essaye de se réinscrire dans l'idéal républicain d'indépendance. Et puis régulièrement, on a le président qui se soumet. Hein, on voit souvent en général l'un puis l'autre. Et puis souvent, malheureusement, celui qui ne voulant pas se soumettre se fait buter ou subit une tentative d'assassinat. Je pense qu'il ne faut pas occulter cette dimension de Trump, nouveau Kennedy, d'une certaine manière, qui est aussi de ce point de vue à l'anti-Reagan. Reagan, c'était un type déguisé en cow-boy feuilles pour que l'Américain moyen qui a voté Trump aujourd'hui pense qu'il y avait une renaissance du rêve américain alors qu'il était l'homme de Wall Street et l'homme des néoconservateurs et l'homme du sionisme. Là, on a Trump qui est plutôt un type d'une vulgarité nouveau riche, bien décrite par Finkielkraut, mais qui désignerait plutôt la communauté de Finkielkraut et qui en réalité était le vrai représentant des cow-boys, hein, alors que c'est un New Yorkais avec des robinets en or. Et là, en fait, il est en train de se faire rappeler. Il se fait flinguer par toute la côte ouest, c'est-à-dire la communication hollywoodienne. Il ne faut pas oublier qu'il l'humilie. Par exemple, sur la Suède, il avait parfaitement de raison de dire qu'il y avait des problèmes en Suède. Il était même, je dirais, prophète. Puisque ça vient de péter violemment hier. Et il est en permanence humilié, insulté, ridiculisé par les médias de la côte ouest, on va dire, et puis menacé aussi par la finance de la côte est. Et il n'a même pas avec lui les républicains, c'est-à-dire, on va dire, le complexe militaro-industriel, il ne l'a pas non plus. Donc, qu'est-ce qu'il a avec lui? Il a, en fait, ses électeurs. Mais ces électeurs, c'est la majorité silencieuse américaine qu'il a élue, mais ça ne correspond à aucun lobby de pouvoir. Et il a 35 sénateurs avec lui, c'est tout. Et il est en train de comprendre et de réaliser qu'il est obligé de lâcher, déjà pour ne pas se faire buter d'une certaine manière. Et c'est pour ça que je trouve que c'est assez tragique, parce que quand il fait son numéro en parlant des petits-enfants, etc., c'est un énorme numéro de soumission par rapport à ce qu'il prétendait accomplir. Quand on voit son discours devant le Congrès, je crois, c'est ça, qui était un très beau discours d'affirmation. Les discours d'investiture aussi. Ouais, les discours d'investiture, et c'est ça. Mmh. Ils sont en train de l'humilier et de le soumettre et de le faire revenir en arrière et de devenir parjure à lui-même sur pratiquement tout ce qu'il avait annoncé. À la fin, il lui reste la NASA et la conquête spatiale. Hein. Ça me rappelle beaucoup Kennedy. Hein. Et quand on voit le peu de marge de manœuvre de Donald Trump, on comprend pourquoi on essaye de nous vendre qu'il faut supprimer la 5e République en France. Où en fait on élit un monarque républicain, c'est-à-dire en quelque sorte un dictateur, c'est-à-dire qu'un président qui prendrait vraiment les droits que lui laisse la Constitution aurait presque les mains libres en France, et on voit vraiment, d'ailleurs c'est un signe que Mélenchon n'est pas vraiment contestataire, c'est qu'il propose de liquider la 5e République, comme tous les... Mmh. Comme... Oui, parce qu'en théorie, le président français est le président qui est le plus puissant du monde occidental. C'est ce qu'avait voulu De Gaulle en termes constitutionnels. En 58, en voyant ce qu'avait été l'effondrement de la France dû à la 3e République, puis à la 4e. Oui, mais enfin, qui était qu'un rebond de la 3e. Le président du Conseil à l'italienne. Et qui était quand même la domination totale maçonnique. Oui. Hein, faut pas oublier derrière. Hein, comment dirais-je, le marais maçonnique qui règne sur la République, avec chaque fois qu'on parle des idéaux républicains, et on doit avoir à l'esprit effectivement la puissance des réseaux maçonniques. Et De Gaulle n'en était pas, visiblement. Il était dans une espèce de logique bonapartiste, hein, c'est-à-dire monarchie républicaine. Et là, on voit bien que c'est ce qui est en train d'être détruit de fait, d'ailleurs, depuis par le quinquennat. Oui, Sarkozy, hein, depuis Sarkozy. Et là, un Mélenchon s'appuyant sur les travaux de Chouard, hein, c'est-à-dire de la nouvelle constitution, parce qu'effectivement, Chouard, c'est très beau, ils essayent en fait de liquider ce qui reste du gaullisme en utilisant les d'un pouvoir fort qui pourrait s'opposer au pouvoir des réseaux qui sont maçonniques. Et derrière les réseaux maçonniques, on a ce qu'on appelait la ploutocratie. Hein. Et d'ailleurs, Macron a dit, moi, je serai pas président, je serai président du Conseil. Il l'a déclaré pour rassurer. En fait, c'est pour de manière préventive neutraliser le mauvais président qui pourrait arriver au pouvoir. Parce que si un souverainiste arrive au pouvoir, donc à la tête de la 5e République, qu'il sort de l'OTAN, qu'il sort de l'Union Européenne, donc qu'il récupère le pouvoir monétaire, le pouvoir juridique, parce qu'il faut savoir que 80% des lois françaises sont votées à Bruxelles. Ça a augmenté depuis. Donc, en théorie, le président français, si c'est le mauvais président qui arrive au pouvoir, c'en est fini de l'Union Européenne, c'en est fini de la BCE et c'en est fini de l'OTAN. Et de l'espace Schengen aussi. Oui. Et c'est pour ça que la France, il y a une obsession déjà, chez Brzezinski en 97, une obsession française. Il est obsédé par la France parce qu'il sait que la domination atlantiste, sioniste, européenne passe par la France. Il fallait d'abord détruire la France, d'une certaine manière. Et la reconstitution d'une géopolitique d'équilibre et qui ferait une alliance Paris-Berlin-Moscou passe justement par la reprise en main de la France par un président souverainiste. Et si ça arrivait, ce serait un énorme problème pour le camp atlantiste, mais ça pourrait donner un coup de main, paradoxalement, à Trump, qui lui-même est isolé. C'est-à-dire que si on veut aider Trump, c'est ce que je disais en novembre dernier, si on veut aider Trump de l'extérieur, c'est qu'il faut reprendre la main en France, en Europe, et ça donnerait du souffle, en fait, à Trump, qui est isolé au cœur même de l'establishment américain. Ce qui explique pourquoi Fillon s'est fait flinguer comme il s'est fait flinguer, parce que peut-être un peu trop français, je dirais. Hein. Ce qui explique aussi en ce moment pourquoi Mélenchon est porté au pinacle, parce que je crois que le système, si tant est qu'il existe, se rend compte que Macron est une baudruche qui se dégonfle, que Marine est déjà au deuxième tour, et finalement, ayant finalement affaibli Fillon, qui trouvait pas assez bien pour eux, mais ne pouvant pas le remplacer par Macron, dans cette espèce de jeu de cartes, là, qu'est-ce qu'il leur reste comme atout maître ? Le très performant Mélenchon, le frère Mélenchon, qui est vraiment un franc-maçon de combat. Hein. Et qui est soutenu par tous les médias en ce moment de façon incroyable. Hein. Là, j'ai vu sa grand-messe à Marseille aujourd'hui. Là, il est sur un nuage. Et c'est le candidat. Ça me rappelle le parallèle avec quand Sarkozy suçait la roue idéologiquement de Le Pen père pour le niquer. On a en fait un Mélenchon qui est pratiquement sur le même programme en apparence que Marine Le Pen, hein, mais qui est quand même effectivement un frère du Grand Orient, c'est pas rien, et qui est là pour amener la 6ème République, c'est-à-dire il devient de fait, par rapport à cette analyse-là, l'arme anti-Marine la plus efficace qui reste au système qui, ayant détruit Fillon pour faire monter Macron, se retrouve avec finalement ni Fillon ni Macron à disposition. Alors évidemment, il y a ceux qui pensent qu'Asselineau peut gagner dès le premier tour, mais si on veut rester dans le sérieux, eh ben, dans cette analyse-là, on voit que l'arme de destruction massive de la France insoumise qui pourrait permettre effectivement la multipolarité, ça devient Mélenchon, hein, qui est redoutablement efficace, redoutablement duplice, et qui en ce moment est poussé, et je vous signale qu'on l'annonce déjà à 17%, et comme je l'ai dit depuis le début, la barre de qualification du deuxième pour le deuxième tour est sans doute à 18, hein, et qu'il est en train de passer comme par hasard devant Fillon. L'inversion des courbes. Hein, ouais. D'ailleurs, j'ai vu aujourd'hui même que Benoît Hamon a annoncé qu'il se retirerait pour Mélenchon. Si Mélenchon se retrouvait au deuxième tour. Hein, oui, puisqu'il va finir à 5, hein, Hamon. Hein, donc. Mais là, on voit bien que par le travail des vases communicants, comme Macron est foutu, il commence à jouer sur Mélenchon, et pour que Mélenchon soit le plus haut possible, il faut achever Hamon. Donc on voit bien que tout ça est en jeu en ce moment, et que le système est en train de se dire que face à une élection de plus en plus inévitable de Marine, finalement le type qui peut la mieux la contrer entre les deux tours, parce qu'il est très performant, hein, finalement, ils ont la meilleure carte qui leur reste, étrangement, c'est le frère Latruelle, Mélenchon. Et au niveau microscopique, on a le NPA qui a réagi aux événements en Syrie. Ah oui, bah eux, ils se sont extasiés sur les bombardements yankees. Mais là, c'est la vieille histoire du trotskisme qui, depuis la lutte à mort contre Staline, un trotskiste, c'est un agent américain qui lutte, en fait, contre le socialisme réel. Hein, bah c'est Barroso, hein, ancien trotskiste, aujourd'hui oui, chez oui. Goldman Sachs, en étant passant par la commission. Les néoconservateurs, anciens trotskistes aussi. Eh ben on voit bien les plus gros défenseurs de l'Union européenne, c'est comment elle s'appelle Arto et Poutou. Hein, Arto. Ceux qui évitent systématiquement, quand ils critiquent le capitalisme, de critiquer le capitalisme d'aujourd'hui, c'est-à-dire financier des banquiers, eh ben ça reste aussi Arto et Poutou qui ne parlent que de patron. Hein, en amalgamant la multinationale et le patron de PME. On voit bien. Moi, c'est ce que j'appelle les mondialistes de gauche au service des mondialistes de droite. Et n'oubliez pas qu'un mondialiste de gauche, c'est quoi ? C'est un internationaliste. En réalité, on voit bien que l'internationalisme trotskiste, n'oubliez pas que Staline avait finalement opté pour la révolution dans un seul pays, et la fâcherie avec Trotsky, c'est la révolution dans tous les pays. Et n'oubliez pas qu'à partir du moment où Trotsky perd face à Staline et qu'il est chassé, il est systématiquement pris en main par les ancêtres de la gauche bobo, hein, que ce soit à Paris ou à Mexico. À New York. Mexico, c'est que des New Yorkais qui sont avec lui. Frida Kahlo. N'oublions pas, le trotskisme, c'est effectivement les mondialistes de gauche au service des mondialistes de droite. Et ce sont très souvent des juifs ashkénazes, il ne faut pas l'oublier. Il n'y a en général jamais d'ouvriers chez eux. Alors là, Mélenchon, lui, est goy, mais en fait, il est goy du Grand Orient. C'est ce qui fait de lui, comme l'a bien expliqué Stéphane Blais, un juif de synthèse. Et derrière lui, il y a quoi ? Il n'y a que des profs antiracistes et antifascistes. Il n'y a pas un ouvrier. Même si le PCF, qui est mort, a décidé quand même d'accrocher les derniers wagons qui lui restent derrière lui. Ce qui fait que certains cons d'extrême droite pensent que ça serait un candidat communiste, Mélenchon. Non, c'est un trotskiste de combat redoutablement efficace qui aujourd'hui dans le néo-nationalisme d'apparence et dans le néo-ouvriérisme d'apparence et dans une dans le on va dire même un espèce de non-anti-poutinisme d'apparence, etc., et qui en fait le rival, le concurrent aujourd'hui le plus dangereux de Marine Le Pen pour la présidentielle. D'autant plus que François Fillon n'a pas réussi du tout à capitaliser sur sa diabolisation sur laquelle il aurait pu s'appuyer justement pour grimper. Comme je le dis, aujourd'hui, les Français ont compris que leur ennemi, c'était le mondialisme et la finance. C'est-à-dire l'Union européenne et la finance. C'est-à-dire du Asselineau et du Cheminade, hein, puisque c'est la même chose. En fait, le mondialisme financier. Comment dirais-je, Fillon est quand même le bourgeois qui s'inscrit dans la continuité du mondialisme financier, même s'il a un petit côté patriote, ce qui est d'ailleurs une contradiction. On ne peut pas être du côté de la finance et patriote. Donc en fait, qu'est-ce qui est le plus fort chez Fillon ? C'est les réseaux financiers, pas le patriotisme. Oui, le patriotisme, c'est juste l'esthétique bourgeoise. Donc on voit bien que Fillon est un candidat contradictoire par rapport au sens de l'histoire actuelle et contradictoire par rapport aux catégories valides. C'est-à-dire que quand on est du côté de la finance, on ne peut pas être patriote. Donc en fait, donc c'est un type qui pourrait faire croire ou même croire lui-même qu'il est patriote parce que c'est un bourgeois français de province, un peu qui a des réseaux catholiques derrière lui. Mais en fait, dès lors qu'il veut être la Thatcher française, il ne peut pas être français d'une certaine manière parce que Thatcher, c'est le modèle anglo-saxon, c'est l'anti-France. Hein, voilà. Donc en fait, on a un Fillon qui est relativement inconsistant et qui, même si c'est le tour de la droite dans cette logique d'alternance, c'est pas cette droite-là. Il faut que ce soit une droite, je dirais, anti-finance, anti-Union européenne et authentiquement patriote. Hein. Et donc, en fait, le candidat qui incarne le mieux tout ça, c'est Marine Le Pen, sur le plan du poids qu'elle pèse, même si Asselineau dit à peu près la même chose. Et donc, on voit bien que naturellement, il y a un boulevard pour Marine Le Pen pour arriver au pouvoir et que pour la contrer, il faut dire la même chose qu'elle au service de l'ennemi. Et ça, c'est pas Fillon qui fait cette offre-là. En fait, étrangement et dialectiquement, c'est Mélenchon qui propose cette offre de manière efficace. D'ailleurs, sur Trump, elle a été excellente. Elle a réagi au petit matin. Elle a critiqué immédiatement. Elle s'est étonnée du changement brutal de politique de Trump. Elle a critiqué les frappes. Mais d'ailleurs, je ferai remarquer qu'à part Ramon, qui est la charogne qui conduit le corbillard de la charogne du PS vers le cimetière, personne ne s'est extasié sur les frappes américaines. Si on regarde bien, Fillon les a condamnées comme le bourgeois qu'il est, c'est-à-dire mollement, mais c'est pour ça que c'est pas efficace. Mélenchon les a critiqués de manière très subtile et très dialecticienne par de la triangulation, jamais directement, mais ça revient au même. En fait, tous les candidats sérieux et qui ont un avenir, je dirais, ont critiqué les frappes de Trump. Hein. Et le seul qui s'extasie, Poutou a dû s'extasier, hein, il s'extasie Poutou, hein. Mais il a aucun avenir. Je veux dire, le trotskisme français aujourd'hui pèse 1%. Hein. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui on dit c'est marrant, à Mélenchon, vous avez muté. Il est obligé de cacher qu'il est un trotskiste pour pouvoir monter et s'approcher des 20%. Parce qu'aujourd'hui, ce trotskisme historique, après avoir détruit le Parti communiste, ne sert plus à rien non plus. Il ne faut pas oublier que Besancenot, c'était le rêve avec le NPA de faire monter un trotskisme de jeunes New Look à des hauteurs importantes. Il s'est retiré du jeu complètement, il a complètement disparu et il a laissé ça à Poutou. Un peu comme à l'époque, on avait laissé le PCF à Robert Hue, qui d'ailleurs aujourd'hui soutient Macron. Vous voyez, on est bien le trotskisme qui n'avait que d'utilité que de détruire le communisme authentique. Maintenant que le communisme est mort, plus personne n'en a besoin non plus. Et ça peut aussi expliquer quelque part Macron. C'est qu'aujourd'hui, finalement, le passage de Hamon à Macron, c'est qu'aujourd'hui, le trotskiste finalement efficient, c'est le banquier au service de la City. Quoi, je veux dire. Et là, on a effectivement la dissolution de Hamon dans Macron et l'émergence qui ne peut s'expliquer que par l'analyse complexe que je viens de faire d'un Mélenchon sur le qui en ce moment tout le monde s'extasie. Faut pas oublier, hein. Il y a un consensus pro-Mélenchon pour le faire monter qui voudrait peut-être dire qu'à un moment donné le système est terrifié par l'élection possible de Marine est en train de se dire que dans leur jeu de cartes, compte tenu des conneries qu'ils ont fait récemment en flinguant Fillon et en poussant un Macron inexistant, ils ont comme meilleur atout pour le deuxième tour, pour les 15 jours qui vont être la campagne de deuxième tour, le meilleur contradicteur face à Marine ne peut pas être Fillon. Fillon, elle le flingue comme elle veut, Marine. Bilderberg, banque, premier bourgeois. Premier ministre de Sarkozy. Voilà. L'alibi. Mélenchon est le type qui va être le plus dur face à Marine. D'abord parce qu'il ose lui rentrer dans la gueule, parce que c'est un bon rhétoricien, parce que je vais peut-être le dire, il est meilleur même communicant qu'elle. Hein. Et je crois qu'aujourd'hui, le système est en train de se rendre compte que le seul type qui peut tenir tête à Marine entre les deux tours, hein, on est déjà au deuxième, problème, c'est sûrement pas Macron, c'est pas Fillon non plus. Le seul, c'est Mélenchon. Et là, on est sorti de l'affaire syrienne, mais on est dans quelque chose de très, très inquiétant. Parce que si c'est lui qui gagne, c'est une sacrée victoire du système, en réalité. Et en même temps, Alain Soral, vous dites qu'ils sont terrifiés par Marine. Mais justement, ce qui arrive à Donald Trump en ce moment nous pose la question de savoir si Marine était élue, ce qu'elle pourrait faire au pouvoir. Et bien là, on reparle de la Ve République. Elle pourrait faire justement plus que Trump, puisque pour l'instant, si elle gagne, elle ne va pas dissoudre la Ve République. Elle va plutôt même renouer avec le gaullisme. Avec les référendums. On disait déjà à l'époque, j'en parlais avec Marine à l'époque où j'étais conseiller, je rappelle, du père, que pour des raisons dialectiques étranges, le dernier gaulliste français était Jean-Marie Le Pen. Hein, c'était vrai, alors qu'il avait été le plus farouche anti-gaulliste. Parce qu'il était, c'était un bonapartiste en réalité. Hein. Et Marine aujourd'hui s'inscrit dans cette tradition néo-bonapartiste. Hein. Et donc, si elle gagne, le système est quand même très emmerdé qu'elle ait accès à un pouvoir assez grand, à des dossiers, qu'elle peut quand même nommer assez vite qui est à la tête de France 2. Hein, ça fait partie des pouvoirs du président, pouvoirs directs et indirects. Et que, plus les législatives, avec la dynamique des législatives, c'est très, très inquiétant pour le système de laisser Marine. Et les gens qui disent « oui, on va la laisser gagner, comme ça on la fera échouer et après on sera tranquille pour 30 ans », je pense pas que pour des raisons même, je dirais, de psychologie de nos maîtres, ils aient envie de cette défaite-là, parce que c'est dangereux de jouer à ça. Et de toute façon, quand ils ont décidé qu'aucun Le Pen n'accéderait jamais au pouvoir, ils ne peuvent pas se permettre qu'elle gagne d'une certaine manière. Ils feront tout pour l'en empêcher. Jusque je dis même aller chercher Mélenchon pour peut-être essayer de la vaincre. Quand je vois la mobilisation qu'il y a derrière aujourd'hui à Marseille, là, ça peut faire un gros consensus hein, derrière Mélenchon. Chers auditeurs, nous suivrons tout ça avec attention. Youssef Indy, Alain Soral, on rappellera que l'ensemble de vos ouvrages sont disponibles sur le site www.contreculture.com. Youssef Indy, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, avec plaisir. Alain Soral, on se retrouve très prochainement d'ailleurs pour Soral Vite. Merci à moi. Non, je plaisante. Et Xavier, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec Stéphane Blais comme invité. Stéphane Blais, je crois, oui. Chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de Stéphane Blais. Justement, son album Figure Libre est disponible sur le site www.contreculture.com. Nous allons écouter La Valse de Chopin, opus 64, numéro 2. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.